ainsi qu'Alexandre le Grand, qu'Alexandre le Grand, ainsi qu'Alexandre le Grand, à son entrée à Babylone. Babet, si tu m'aimais, Babet, si tu m'aimais, je serais plus content qu'un grand roi ne l'ait sur son trône. Vraiment, Conan, je serais plus content. Vraiment, qu'un grand roi sur son trône. Comme elle écoute gentiment, comme elle écoute gentiment, elle m'écoute, moi bien, la friponne. Ainsi qu'Alexandre le Grand. Écoutez donc aussi mon compliment, à son entrée à Babylone. Écoutez donc aussi mon compliment, écoutez donc, écoutez mon compliment. Oui, je saurai. Écoutez donc mon compliment. Oui, je saurai. Écoutez donc mon compliment. Non, non, non, non, non, non, non, non, je ne fais pas de compliment. Car je l'aime, car je l'aime. Ce serait mon compliment. Non, non, non, non, non, non, non, non, je ne fais pas de compliment. Car je l'aime, car je l'aime. Ce serait mon compliment. Non, non, non, non, non, non, je ne fais pas de compliment. Non, non, non, non, non, je serai bien de compliments, mais monsieur le bailli, pour votre nièce, vous connaissez toute ma tendresse. Ainsi qu'Alexandre, monsieur le pour votre nièce, monsieur le bailli, vous connaissez le bailli, monsieur le bailli, eh bien, dites-lui donc qu'elle m'aime. Je suis si comme dites-lui donc qu'elle. Je sais comme, accordez-moi ma main. Je dois me décider, sans doute, sans doute. Et bien décidez-moi. Je le sens, et bien décidez-moi. Vous voulez donc que je vous donne sur cet hymen mon sentiment. Assurément, assurément. Eh bien, eh bien, eh bien, mes amis. Ainsi qu'Alexandre le Grand, qu'Alexandre le Grand, qu'Alexandre le Grand, qu'Alexandre le Grand, je saurai mon tourment, oui, je saurai mon tourment, ton cœur est tout entier, va sans mon compliment, ton cœur est tout entier, va sans mon compliment. Ainsi qu'Alexandre le Grand, va sans mon compliment, à Babylone. Quel moment, ton cœur est tout entier, je suis sans ton compliment, je te laisse envoyer, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon,